soleil faut clairer la journée. Et ni la lune faut clairer la nuit. Et ni clocha, ah, ah, ni moun qui riche, ni moun qui malheureux. Ni sa kari, ni sa qui câble. Pouchi tout ça, mais pouchi tout ça, eh, da da da. Lèw bien gade, nou pa ni tout solisyon a la vi. Nou pa ka kontrole tout le situasyon. Malgré la syans, ni menm ka evolue. Maman nou tou, se fam. Ni menm zan, nou tout ne menm manye. Sa ki anle pa ka moli pou sa ka pran fè. E swa dizan, l'om intelligent, you say.